Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci d'être fidèle à votre rendez-vous classique sur Fadjet. Et aujourd'hui, tout ce week-end d'ailleurs, nous allons rendre hommage à Maurizio Pollini. Maurizio Pollini, qui vient de disparaître et qui était vraiment l'une des figures majeures du piano depuis des décennies. Alors évidemment, quand on dit ça, ça paraît un peu galvaudé. Et pourtant, rien n'est moins vrai parce que vraiment, Pollini a marqué par ses interprétations et par la personnalité de ses interprétations l'histoire de l'interprétation. Et c'est vraiment, il était unanimement, quasiment considéré comme l'un des plus grands pianistes de notre époque, même si, bien sûr, il avait quelques détracteurs et on y reviendra en cours d'émission. Alors, il était né en 1942 à Milan, tout comme son complice et ami, le chef d'orchestre Claudio Abbado. Et il a fait ses débuts au conservatoire de sa ville natale. En 1960, il se fait remarquer en gagnant le prix Chopin de Varsovie, concours extrêmement difficile. Et Rubinstein, qui était président du jury, eh bien, lui a promis une carrière absolument fabuleuse. Et ensuite, il part se perfectionner avec Arturo Benedetti Michelangeli, peut-être l'un des grands noms aussi du piano italien dans ces années-là. Et puis ensuite, eh bien, démarre une série d'enregistrements, commencé avec le premier concerto de Chopin pour IEMI, avec Paul Kletsky à la baguette, et puis ensuite des interprétations magnifiques de Chopin, de Schumann, de Mozart. On y reviendra, bien sûr, tout au long de l'émission. Alors, on va justement commencer avec Mozart. Mozart, qu'il a enregistré dans les années 70, en 76, le disque que l'on va écouter, donc 76, la date de parution, deux concertos pour piano de Mozart, le 23e et le 19e, avec Carl Böhm, qui est vraiment l'une des figures majeures, là encore, de la direction d'orchestre, qui était né, lui, en 1897, et qui, en quelque sorte, adoubait ce jeune pianiste prometteur. Donc, on les retrouve dans le final, Allegro assai, du 19e concerto pour piano de Mozart, Maurizio Pollini, bien sûr, et le Philharmonique de Vienne, dirigé par Carl Böhm. Thank you. Final Allegro assez du 19e concerto pour piano de Mozart, interprété par Maurizio Pollini et le Philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm en 1976. Le disque est paru en 1976, mais il a probablement été enregistré l'année précédente. Alors, l'une des particularités de Maurizio Pollini, c'est d'avoir eu une grande curiosité musicale, et oui. Parce que dans Schumann, par exemple, qu'on va écouter, il a enregistré des recueils qui n'étaient pas forcément les plus courus. Et cette curiosité musicale, elle s'est également illustrée par son intérêt pour la musique du XXe siècle, notamment la sonate de Boulez qu'il a enregistrée et qu'il aimait particulièrement, et même en tant que chef d'orchestre. Et oui, parce que Maurizio Pollini a entamé une courte carrière de chef d'orchestre et il a enregistré, à ma connaissance, un seul disque, l'opéra de Rossini, La Donna del Lago, La Dame du Lac, évidemment une version absolument incroyable, et ça a contribué à faire jouer et redécouvrir cet ouvrage un peu oublié de Rossini. On va écouter donc Pollini dans Schumann, un compositeur pour lequel il avait vraiment des affinités, avec lequel il avait des affinités, et un répertoire dans lequel il fait presque l'unanimité, parce que c'est vrai que Pollini a souvent été jugé trop technicien, trop cérébral, par des détracteurs qui finalement lui préféraient peut-être un jeu plus joyeux, plus avec davantage d'épanchement, je ne sais pas. Pollini, en tout cas, dans Schumann, fait vraiment l'unanimité à juste titre. Alors, on va l'écouter dans L'Arabesque, qui est une pièce de jeunesse de Schumann et qui n'a rien d'arabisant malgré son titre. Magnifique arabesque de Robert Schumann, sous les doigts de Maurizio Pollini, à qui nous consacrons presque toutes nos émissions du week-end en classique. Je dis presque parce qu'on va quitter Maurizio Pollini pour aller vers Vivaldi. Vivaldi et son Gloriarium 589, alors c'est une des œuvres les plus célèbres de Vivaldi, depuis sa recréation, si je puis dire, je ne sais pas si le mot existe vraiment, en septembre 1939, puisque vous savez que Vivaldi était complètement tombé dans l'oubli, quasiment tombé dans l'oubli, entre la date de sa mort et sa résurrection musicologique dans les premières années du XXe siècle. Et petit à petit, on a redécouvert son œuvre. D'ailleurs, on n'en finit pas de redécouvrir des œuvres de Vivaldi jusqu'à une époque vraiment très très récente. Et ce Gloria, il s'est imposé très très vite comme l'une des œuvres les plus populaires de Vivaldi. Beaucoup plus d'ailleurs que son petit frère, le Gloriarium 588, beaucoup moins joué et pour autant tout aussi intéressant. Allez, on va écouter... le début du Gloriarium 589 de Vivaldi. J'ai choisi une version que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de très très grandes versions de ce Gloria, mais celle de Simon Preston avec The Academy of Ancient Music et le chœur de la cathédrale d'Oxford, et puis les voix solistes d'Emma Kirkby, que j'aime particulièrement, soprano anglaise remarquable, Judith Nelson, Caroline Watkinson et le ténor Paul Elliott, Caroline Watkinson étant contralto. Voici le début de ce Gloria de Vivaldi par ses interprètes. Thank you. Le début du Gloriarium 589 de Vivaldi avec le magnifique chœur de la cathédrale d'Oxford et puis l'Academy of Ancient Music dirigée par Simon Preston. Ce début est absolument incroyable avec les cordes en ostinato, vraiment très très beau. On part vers l'opéra maintenant avec Verdi et Aïda, opéra en quatre actes de 1871, peut-être l'opéra de Verdi le plus populaire, en tout cas avec Nabucco et Traviata, le Trouvère, ça c'est les quatre grands opéras de Verdi qui sont vraiment aimés du public, appréciés du public, un opéra de 1871 écrit pour le Caire à l'occasion de l'inauguration du fameux canal de Suez. Alors un opéra qui se passe à l'époque de l'Égypte antique, évidemment encore le canevas habituel de l'opéra, c'est-à-dire deux tourtereaux qui s'aiment mais qui ne peuvent pas s'aimer puisqu'ils appartiennent à des camps opposés. La belle Aïda qui est une esclave éthiopienne et puis le soldat Radamès et puis bien sûr il y a la méchante en quelque sorte qui est là pour troubler le jeu et empêcher que les tourtereaux s'aiment, c'est Amneris. Et voilà donc... ça se termine mal puisque les héros, les protagonistes, Aïda et Radamès, sont emmurés vivants et vont mourir ensemble. Allez, on écoute l'un des airs les plus célèbres d'Aïda de Verdi, c'est Céleste Aïda, chanté par l'un des ténors qui s'est le plus intéressé à cet opéra de Verdi. C'est Placido Domingo qui l'a très très souvent chanté et puis très souvent enregistré. Placido Domingo et l'orchestre, eh bien c'est celui du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Claudio Abbado. Si afferrasse. L'esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso dimenti tutta. Tornar di là un ricinto, dirti per te pugnato, per te ho vinto. Thank you. Ah, l'un des très grands rôles de Placido Domingo, c'était donc l'air de Radamès, extrait d'Aïda, avec l'orchestre de la Scala de Milan, direction Claudio Abbado. Et bien, je vous propose, bien sûr, allez, pour le plaisir d'écouter les fameuses trompettes par les mêmes interprètes, par le même orchestre et le même chef. Ça s'enchaîne au ballet, bien sûr, la séquence des trompettes d'Aïda, avec les trompettes de l'orchestre de la Scala de Milan, direction Claudio Abbado. Alors Schubert, lui, il n'a pas composé de concerto, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il avait tout pour en composer des concertos, et c'était un genre qui plaisait beaucoup. Alors pourquoi ne s'est-il pas investi, ou très peu, dans ce domaine, on ne sait pas. Lui qui a composé de si belles symphonies, qui s'est engagé dans la voie de l'opéra, alors que ce n'était vraiment pas son domaine. Bref, peu de choses concertantes chez Schubert, et c'est bien dommage. Quand même, une jolie polonaise bien charmante, presque une musique de salon polonaise pour violon et orchestre, que je vous propose tout de suite avec le violon magnifique de Pinchas Zukerman, qui dirige depuis son archet, avec son archet plutôt, le Saint-Paul Chamber Orchestra. Thank you. Ah bah c'est charmant, n'est-ce pas? C'était la polonaise pour violon et orchestre de Schubert, Franz Schubert, et oui, une œuvre méconnue finalement, interprétée par Pinchas Zukerman au violon et puis le Saint-Paul Chamber Orchestra. Et voici la rubrique que vous attendez tous, bien évidemment, c'est notre rubrique des sonates de Beethoven, puisque nous avons l'intention de vous présenter les 32 sonates de Beethoven, tout au moins un mouvement par émission. Et on retrouve Stephen Kovacevich, bien sûr, ce pianiste qui nous accompagne depuis donc le début de ce cycle. Stephen Kovacevich qui a réalisé pour Warner Classic une intégrale absolument fabuleuse des sonates de Beethoven. Il y en a beaucoup, hein, des grandes intégrales, mais voilà, j'aurais pu choisir Pollini, mais on va le réserver pour d'autres répertoires. Allez, on va écouter le deuxième mouvement andante de la sonate numéro 15, sous-titré pastoral, et oui, comme la 6e symphonie, mais ce sous-titre n'est pas de Beethoven lui-même, toutefois il l'a quand même plus ou moins accrédité. C'est vrai que ça correspond bien à l'ambiance de cette sonate, en particulier je trouve le deuxième mouvement qui est particulièrement badin. Alors voici ce deuxième mouvement de la sonate pastorale numéro 15, joué par Stephen Kovacevich. Thank you. L'Andante de la sonate numéro 15, pastorale de Beethoven, interprétée par Stefan Kovacevic. Et bien sûr, on retrouvera notre cycle Beethoven demain. Et voici Haydn. Haydn et sa symphonie Londres, la 104e, la dernière, composée pour la ville de Londres. De Londres, mais qui ne décrit absolument pas la capitale britannique. On va en écouter le menuet Allegro, joué par l'orchestre de la radio de Stuttgart, direction Roger Norrington. Thank you. Le menuet de la symphonie numéro 104 de Haydn avec l'orchestre de la radio de Stuttgart, direction Roger Norrington. Et on va terminer avec Maurizio Pollini, prélude et fugue du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Le premier prélude et fugue du clavier bien tempéré de Bach, interprété par Maurizio Pollini, que l'on retrouvera dans notre émission de demain. Et oui, puisqu'on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Je compte sur vous. Allez, à demain.